Aujourd'hui à CNX, perdez votre temps au travail en allant sur Internet. Délaissez la radio et la télé pour le web. Écrivez un roman dans l'autobus sur votre cellulaire. Écoutez nos chroniques divertissantes. Il est midi, c'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour deux heures de ces choses qui vous intéressent, de ces choses qui vous importent le plus. Dans quelques minutes, c'est le fil informatique. On va parler entre autres du fondateur de Wikipédia qui s'attaque à Google. On va aussi parler de prisonniers philippins qui font fureur sur YouTube. Tout ça plus tard, mais pour l'instant, voici une bonne vieille pièce de The Brick. C'est Alicia à La Connexion, à C'est Fou 89 FM. Alicia, petite femme aux grands yeux noirs, pour qui la vie se gagne le soir, qui la nature a tout donné, qui s'en sert pour danser. Alicia, est le nom qu'on vient de lui donner, dans le jargon du métier, on s'amuse à pousser le charme jusqu'au fantasme qu'elle écarte. Sobrick et Alixia à la connexion à CIFU 89.1 FM. Maintenant, c'est l'heure du fil informatique. Oui, cette semaine, beaucoup de nouvelles dans le domaine de l'informatique. Comme toujours, on commence par une nouvelle étude. Les travailleurs américains perdraient 20% de leur journée de travail à naviguer sur Internet et faire d'autres activités qui ne sont pas reliées à leur emploi, selon un nouveau sondage. Des 2057 employés interrogés par la firme Salary.com, 6 travailleurs sur 10 ont admis qu'ils ne travaillaient pas tout le temps lorsqu'ils sont au bureau. La moyenne générale de temps perdu au travail est de 1,7 heures pour une journée de 8,5. Naviguer sur Internet est la principale activité des employés dont le désir de travailler est faible à 34%, tandis que jaser avec ses collègues se retrouve en deuxième position à 20% et que s'occuper de ses affaires personnelles est en troisième position à 17%. Près du cinquième des répondants, 18% ont admis qu'ils ne sont pas productifs au bureau parce qu'ils s'ennuient. Près de 14% des répondants affirment qu'ils sont fatigués parce qu'ils travaillent trop et 11,8% se considèrent sous-payés. Maintenant, Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia et d'autres sites utilisant la technologie Wiki, a annoncé que la société Wikia préparait une plateforme de recherche Internet misant sur la collaboration des internautes et basée sur les technologies à code source libre. Le projet de recherche de Wikia se fonde notamment sur l'acquisition de Grub, un projet d'informatique distribué qui exploite la puissance non utilisée de l'ordinateur des internautes participants pour explorer et cataloguer les ressources du web. Lancé en 2000, le projet Grub a été acheté par LookSmart en 2003, et je cite, le désir de collaborer et de soutenir une plateforme de recherche transparente et ouverte est clairement et profondément enthousiasmant, aussi bien pour la communauté du code source libre que pour les entreprises, selon Jimmy Wales. L'acquisition du projet Grub et la publication de ces technologies avec une licence de code source libre ne sont toutefois qu'une première étape dans le développement du projet de recherche de Wikia. Attendez-vous à d'autres annonces excitantes au cours des prochains mois, promet-il. Dans le wiki des laboratoires de recherche de Wikia, on peut lire que le projet se fonde sur 4 principes. La transparence du fonctionnement du système de recherche et de classification des résultats, une communauté qui participe, une qualité supérieure des résultats et de l'expérience de recherche Internet, et enfin, une confidentialité des recherches effectuées par les utilisateurs du moteur, contrairement à, par exemple, quelqu'un comme Google. Wikia Search saura-t-il réussir là où plusieurs concurrents de taille ont tenté, sans grand succès, de soutirer des parts de marché à Google? Seul l'avenir le dira, mais si on se fie au succès inespéré de l'encyclopédie Wikipédia, le projet de Wikia aura peut-être sa chance, dit l'article de branchezvous.com. La vidéo montrant des prisonniers philippins en train de danser sur la pièce Thriller de Michael Jackson fait actuellement fureur sur YouTube et a été consultée près de 3 millions de fois par les internautes depuis la mi-juillet, en date du 30 juillet dernier. Tournée dans une prison de l'île de Cebu au centre de l'archipel, la vidéo met en scène des centaines de prisonniers qui dansent sur le populaire tube des années 80. La chorégraphie s'inscrit dans le programme de gymnastique de la prison. Les détenus rechignaient à l'idée de faire des exercices réguliers et les dirigeants de la prison ont alors pensé à la danse pour les inciter à bouger. Et aussi d'autres vidéos qu'on peut voir, YMCA de Village People et Radio Gaga de Queen. Quant à la chorégraphie de Thriller, un mois de répétition a été nécessaire pour permettre aux détenus, dont la plupart sont emprisonnés pour meurtre ou trafic de drogue, de respecter l'esprit du vidéoclip de Michael Jackson. Donc si vous avez envie d'aller voir ce vidéo Thriller, allez voir sur YouTube, regardez ça comment c'est bon. Oh yeah! Pourquoi pas? 1500 de ces criminels qui dansent ensemble. The foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons. Superbe, c'est vraiment superbe. Donc, allez voir ça, c'est sur les notes d'émission au www.unechance.com. Allez-y maintenant. La maison de disques d'Eminem poursuit Apple. Donc, la maison de disques d'Eminem demande des millions de dollars de dédommagement à la société informatique Apple, qu'elle accuse de violation des droits d'auteur pour avoir permis le téléchargement de chansons du rappeur sur les baladeurs numériques iPod, 8 Mile Style. Et la société de gestion d'Eminem, Martin Affiliated, ont demandé à Apple de cesser la reproduction et la distribution, et Apple a refusé. Selon la plainte déposée au tribunal, c'est ce que ça dit, sollicitée par le journal Detroit News, ni Apple ni les avocats des sociétés plaignantes n'ont fait de commentaire. 8 Mile Style et Martin avaient poursuivi Apple en 2004 pour avoir utilisé la chanson Lose Yourself d'Eminem dans une publicité pour le magazine musique en ligne, mais l'affaire avait été réglée à l'amiable. Peut-être que ça se reproduira. On verra bien. Le conseiller à la vie privée de Google y est allé cette semaine d'une virulente attaque contre un nouvel ennemi, c'est-à-dire la cravate. En réponse à un article dans le Financial Times qui faisait l'éloge de la cravate, Peter Fleischer soutient plutôt que l'accessoire vestimentaire porté principalement par les hommes, et c'est bien qu'on nous explique la définition d'une cravate, est une abomination qui doit être supprimée. Selon lui, la cravate limite la circulation sanguine vers le cerveau et sert principalement à masquer la protubérance du ventre des hommes qui la portent. Et je cite, « En t-shirt, il est beaucoup plus facile de voir si votre collègue est en forme et fait du conditionnement physique, alors que le veston et la cravate servent à cacher les abus. » Fin de la citation. Le conseiller à la vie privée soutient aussi que les gens d'affaires qui ne portent pas la cravate risquent davantage d'être des personnes créatives qui aiment prendre des risques et qui ne sont pas conformistes. Tellement bien dit de la part de Google. L'article vient encore une fois de branchez-vous. Même chose pour le prochain article. Afin de concentrer tous ses efforts à l'amélioration de Firefox, Mozilla envisage la possibilité de se départir de son logiciel de courriel Thunderbird. Donc, pour les non-initiés, Mozilla, c'est la compagnie derrière Firefox qui est un furteur alternatif à Internet Explorer. Dans son blog, Mitchell Baker, le PDG, ou même, je dirais, la PDG selon l'article, de la division commerciale de la Fondation Mozilla, a indiqué aux internautes, et je cite, que de nouvelles structures devaient être créées afin de permettre à la communauté Thunderbird de maîtriser sa destinée. Donc Thunderbird, c'est un autre logiciel de la même suite que Firefox qui est un petit peu comme Outlook Express. Mitchell Baker a expliqué que le développement de Thunderbird n'est actuellement pas optimal puisque l'équipe de Mozilla est surchargée par le travail sur Firefox et l'écosystème qui l'entoure. Selon elle, la création d'une autre organisation dédiée uniquement à Thunderbird permettrait de s'assurer un développement plus constant du logiciel en plus d'assurer de meilleurs contacts avec ses utilisateurs. Donc, on pourrait voir le développement de Thunderbird continuer dans l'open source à la place d'être géré par Mozilla. Littéralement, si j'ai bien compris. Les disques durs à interface IDE iront bientôt rejoindre les lecteurs de disquettes et les bandes magnétiques. Donc, Seagate entendrait cesser la fabrication de ces disques d'ici la fin de l'année. Les analystes attribuent cette annonce à la popularité sans cesse grandissante de l'interface SATA. En effet, de plus en plus de fabricants d'ordinateurs livrent leurs appareils avec cette interface. Évidemment, l'interface IDE ne disparaîtra pas du jour au lendemain. On estime que 34% des disques durs actuellement utilisés en sont munis. Donc, c'est une sorte de connecteur différent pour un disque dur. Au lieu de SATA, c'est le IDE, c'est les vieux fils. C'est ce que c'est. Les fabricants de cartes mères continueront donc d'offrir cette interface sur leurs produits pour permettre aux utilisateurs de continuer d'utiliser leurs disques existants, mais aussi parce que bon nombre de lecteurs CD et DVD en sont également munis. L'entreprise n'a pas officiellement confirmé cette nouvelle, mais un représentant de Seagate a dit au Inquirer, qui a publié la nouvelle, que c'est probablement vrai. Il y a fort à parier que d'autres fabricants emboîteront le pas lorsque l'entreprise annoncera ses intentions officiellement. L'article est, encore une fois, de branchez-vous.com, comme la plupart des articles aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a vraiment à vous dire, demande l'article de downloadsquad.com, est-ce qu'on a vraiment à vous dire de ne pas ouvrir des attachements dans les courriels de gens que vous ne connaissez pas? Hein? Non? Bon, c'est évident depuis les dernières années. Bon, il y en a, on dirait, qui n'ont pas vraiment appris cette nouvelle-là. Vous cliquez sur des messages, par exemple, qui vous promettent de voir des filles nues, peut-être. Hein? Peut-être que ça vous empêche, peut-être que vous y allez jamais, parce que c'est pas votre truc. Peut-être que les jeux vidéo vous intéressent plus. Donc, ben voilà, il y a un nouveau verre qui fait le tour présentement avec un petit twist de jeux vidéo. Il vous promet de vous laisser jouer à Super Mario Bros., le premier jeu sur NES. Et c'est ce que ça fait, vous pouvez jouer avec ce jeu-là. Mais pendant que vous jouez, ça infecte votre ordinateur de malware. Hein? Donc, n'oubliez pas ça, hein, parce que si vous recevez un message de quelqu'un qui dit « Hi there, do you like Mario Bros. Avec deux S? Test it and you like it! » Donc, même si la ponctuation et la grammaire pourraient, si vous parlez anglais au moins un petit peu, vous dire que c'est un message d'un inconnu complet qui ne sait pas trop écrire. En fin de compte, il y a des gens qui se sont fait avoir, donc faites bien attention à ce virus, à ce verre, à ce malware qui se propage avec un jeu de Mario. Voilà qui fait le tour du fil informatique pour cette semaine. Regardons un petit peu les mots-clés les plus recherchés sur le Google Hot Trends aux États-Unis cette semaine. Donc, je regarde un petit peu comme ça. Le numéro 1 présentement, c'est... En tout cas, si vous suivez les nouvelles moyennement, vous avez vu qu'il y a un pont qui s'est complètement écroulé aux États-Unis cette semaine. Donc, Bridge Collapse Video, c'est le numéro 1. En deuxième position, c'est vraiment épeurant, cette affaire-là. J'ai vu le vidéo, c'est wow. Deuxième position, Mattel Recall, c'est-à-dire qu'il y avait des poupées de Dora the Explorer et un paquet d'autres personnages comme ça qui apparemment avaient de la peinture au plomb. Donc, Mattel a été obligé de rappeler, de demander aux gens de renvoyer leurs poupées. Et en troisième, ça c'est en deuxième position, Mattel Recall. En troisième, c'est Fisher Price Recall. En quatrième, c'est service.mattel.com. En cinquième, c'est Toy Recall. En sixième, c'est service.mattel.com. Donc, les positions 604321 ont tout rapport avec ces poupées-là. Et il y a seulement le numéro 1 qui a Bridge Collapse Video. C'est dur à croire. Donc, il y a d'autres affaires. Le Minneapolis Star Tribune qui est en 7e. En 9e, c'est le Minneapolis Newspaper. D'autres affaires qui ont rapport avec le pont. National Bridge Inventory en 12e. Minnesota Bridge en 13e. Ça continue jusqu'à la position numéro 99, littéralement, qui dit Minneapolis News. Donc, les gens sont très affamés de nouvelles sur le pont qui s'est écroulé cette semaine. Très, très triste nouvelle. Alors qu'au Québec, le top 15 des mots-clés les plus recherchés de la semaine dernière, quand même un petit peu de mouvement. En 5e position, c'est une descente pour l'Auto-Québec. En 4e, remontée pour Hot Mail. En 3e, c'est les PAC qui remontent. En 2e, c'est Météo Média. Et en 1e, c'est Horoscope. Et dans ce top-là, c'est bien de dire remonte et non pas seulement monte parce que les positions changent tout le temps, mais sont tout le temps les mêmes. Ils font juste changer de numéro. Ça devient presque obsédant et triste. J'ai presque envie d'arrêter la connexion à cause de ça. Mais à la place, je vais arrêter puis je vais mettre de la musique. Voici Fashionable People de Joe Blasket Emergency à la connexion. C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. I wanna drink too much. You look Polish. Got a wicked sense of humor. I feel dizzy. And I want your touch. Let's get tipsy and start a rumor. I feel restless here. I can't sit still. Everybody at this party's got their fingers in the till. I bet their parents are ridiculously loaded. Let's get moving before I'm loaded. The dancers need a dance floor. The swingers got a swing. Fashionable people doing questionable things. My band, I like your boyfriend too. Do you think he'd understand? I can't remember how we ended up out here, but all good things have got to start somewhere. The dancers need a dance floor. The swingers got a swing. Fashionable people doing questionable. Hitch a ride for free. The dancers need a dance floor. The swingers got a swing. Fashionable people doing questionable things. Looking just like magazines. Fashionable, fashionable, fashionable people. That's what I'm talking about. Fashionable, Fashionable People de Joel Plaskett Emergency à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et maintenant, c'est l'heure du bloc à thème. Cette semaine, notre thème, c'est la pédophilie. Toujours aussi divertissant. Le procureur général du Connecticut a demandé aux policiers américains d'enquêter sur plusieurs prédateurs sexuels qui se sont récemment inscrits au populaire site de réseautage Facebook. Suite à sa demande, les enquêteurs auraient découvert des images et des textes explicites dans les profils Facebook de trois internautes, selon Richard Blumenthal au New York Times. Le procureur demande aux gestionnaires du site Internet de retirer les profils des internautes concernés. Chris Kelly, qui est le conseiller à la vie privée de Facebook, a répondu au quotidien new-yorkais qu'il n'était pas au courant de cette nouvelle enquête, mais que sa compagnie retirait toujours les comptes des prédateurs sexuels dans les 72 heures après le dépôt d'une plainte. Le mois dernier, MySpace, le principal rival de Facebook, a supprimé les profils de 29 000 internautes qui sont parmi les 600 000 prédateurs sexuels connus des autorités policières américaines. L'article vient du New York Times. Toujours au sujet de Facebook, on parlait de ça la semaine dernière un peu. Les créateurs du site de réseautage virtuel ConnectU sont repartis bredouilles de l'audience préliminaire où ils devaient expliquer à un juge pourquoi ils désirent poursuivre le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, pour violation du droit d'auteur, bris de contrat et fraude. Le juge Douglas P. Woodlock de la Cour du Massachusetts a déclaré que les trois plaignants, les frères Cameron et Tyler Winklevoss et Divya Narendra, n'avaient tout simplement aucune preuve tangible pour faire un procès sérieux. Et je cite, « Les accusations doivent être fondées sur des faits », c'est ce qu'il a dit. Selon le juge, les plaignants ne disposent d'aucun document légal qui prouve que Zuckerberg, qui était dans l'équipe de ConnectU en 2003, a enfreint la loi en quittant le projet pour fonder son propre site de réseautage en 2004. Le juge a décidé de donner 3 semaines supplémentaires aux plaignants afin qu'ils étoffent leur chef d'accusation, en plus de donner 2 autres semaines aux avocats de Facebook pour qu'ils préparent leur réponse. Le procès, s'il y a procès, devrait donc avoir lieu à l'automne. On peut rappeler que Zuckerberg a travaillé quelques mois avec les créateurs de ConnectU alors qu'ils étaient tous étudiants à l'université de Harvard. Il a ensuite fondé Facebook au début de 2004. Son site compte maintenant plus de 30 millions de membres, alors que ConnectU stagne de son côté à moins de 100 000 membres. Je suis certain que vous avez jamais entendu parler de ça. ConnectU. Maintenant, au sujet de MySpace, c'est toujours notre bloc à thème sur la pédophilie. La législation canadienne empêcherait MySpace de repérer et d'expulser les délinquants sexuels au pays. CanWest rapporte, j'imagine, que John Cardello, PDG de Sentinel Tech, la société responsable du système de détection des délinquants sexuels employé par MySpace, a expliqué que la loi sur l'accès de l'information du gouvernement fédéral les empêche de suivre les traces des délinquants dans le cyberespace. Monsieur Cardello a ajouté que la chasse aux délinquants sexuels dans Internet n'est plus un défi technique, mais plutôt un problème d'ordre politique. Jusqu'à présent, seuls les États-Unis ont donné accès aux entreprises comme la sienne à l'information nécessaire pour faire un repérage efficace. Le registre des délinquants sexuels du Canada, qui a été mis en place en 2004, comptait en avril 2006 le nombre de plus de 12 000 délinquants. John Cardello exhorte le gouvernement du Canada à donner accès à l'information contenue dans le registre. Selon lui, tant que ce ne sera pas fait, les délinquants seront libres de parcourir le cyberespace sans jamais être détectés. Jusqu'à présent, le gouvernement Harper a toujours indiqué que cette information demeurait confidentielle. 3 ans après avoir été reconnu coupable de polypostage pornographique illégal en vertu de la loi américaine CAN-SPAM, un Californien reçoit une sentence jugée trop clémente par des experts en sécurité informatique. Donc, bon, premièrement, le polypostage pornographique, c'est du spam porn. En août 2004, Nicholas Tombros comparaissait devant un tribunal américain où il était accusé de polypostage illégal au sens de la loi CAN-SPAM. Équipé d'un ordinateur portable, celui-ci déambulait en voiture à la recherche de connexions Wi-Fi non sécurisées qu'il exploitait pour expédier des courriels non sollicités faisant la promotion de sites web à caractère pornographique. Presque 3 ans plus tard, un laps de temps considérable qui n'a pas été justifié par les autorités, le polyposteur a reçu sa sentence, une amende de 10 000 $ américains, 3 ans de probation et 6 mois de détention à domicile, selon Daily Breeze. Pour Graham Cluley, de la firme de sécurité informatique Sophos, cette sentence est trop clémente et le délai de 3 ans est difficilement explicable. Et je cite, « La condamnation devrait être beaucoup plus rapide si l'on veut envoyer aux autres polyposteurs le message clair que les activités criminelles sont inacceptables. » C'est ce qu'il a estimé dans un communiqué de la firme. Sophos ajoute que cette affaire devrait rappeler aux internautes particuliers aussi bien qu'aux entreprises qu'il est important de sécuriser leur connexion Wi-Fi afin d'éviter qu'elle soit exploitée par des pirates informatiques ou par des spammers ou des polyposteurs. Article sur Branchez-vous. Si vous voulez le lire au complet et lire tous les autres articles de cette semaine et de toutes les émissions depuis le début, allez voir le www.unechance.com. C'est le site de l'émission. Il y a aussi la balado-diffusion en MP3 à chaque semaine. Voilà qui fait le tour du bloc à thème sur la pédophilie avec une petite nouvelle sur Facebook en plein milieu. Alors qu'on parle maintenant des meilleurs logiciels libres selon SourceForge, avant de continuer. Donc, l'hébergeur de projets et de programmes libres SourceForge vient d'élire à travers sa communauté les meilleurs logiciels libres du moment. Donc, pendant un mois, les internautes et participants à SourceForge ont ainsi pu voter pour leur logiciel libre favori. Donc, voici la liste des gagnants dans chaque catégorie. Le meilleur projet, c'est 7-Zip, une alternative à WinZip. Meilleur nouveau projet, eMule ou Launchy. Meilleur outil pour développeur, Tortoise SVN. Meilleur projet pour entreprise, c'est Firebird. Meilleur projet pour joueur, c'est ScumVM. Meilleur projet pour le multimédia, c'est le logiciel d'édition audio Audacity. Le meilleur projet pour la communication, c'est PHPBB pour faire les forums là, hein, sur Internet. Meilleur support utilisateur, c'est Firebird. Meilleure conception technique, c'est 7-Zip. Meilleur projet collaboratif, c'est Azureus, le logiciel de téléchargement de fichiers par BitTorrent. Et meilleur outil pour les administrateurs système, c'est PHPMyAdmin. Donc voilà qui fait le tour des meilleurs logiciels à source libre selon SourceForge. Maintenant, musique tout de suite. Voici une vieille pièce de la baroque machine Tar, l'autocar. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À CFOU 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Jusqu'à 14h, tous les jeudis en direct, les samedis et les mardis en rediffusion. Tout est là pour vous. Hein? Dot com. Deuxième demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Bon retour, je m'appelle Mathieu Plante. Plus tard, on va faire la chronique autour du net. Première partie, on va entre autres voir quelqu'un se péter un très très très gros bouton. On va aussi parler un petit peu à peine en retard de T-Zonday et son succès Chocolate Rain. Restez là pour savoir ce que ça veut dire. Mais tout de suite, voici une pièce de Artist of the Year. C'est Yeah! Sur le palmarès anglophone de C'est Fou, vous écoutez la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo à C'est Fou 89.fm. Artist of the Year et yeah! À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, à CFU 89.fm, la radio campus de Trois-Rivières. Maintenant, c'est la première partie de la chronique autour du net. Cette semaine, on découvre un paquet de choses intéressantes. On commence par, tu sais, j'en parlais tantôt, un gars qui se pète un incroyablement gros bouton. Oui, c'est une belle perte de temps à aller voir, mais quand même, donc c'était... Le gars raconte son histoire sur son vidéo sur YouTube. Il dit, bon, depuis 6 ans, bon, il y avait un petit point noir là, qui voulait pas partir, blablabla. Et à la fin, il a décidé de le péter. Donc, on va écouter un petit extrait de ça, je pourrais faire. Hein, tu sais? C'est vraiment quelque chose. Il a juste l'air au début d'avoir une bosse comme ça sur la joue. Il la tasse, ça fait comme un genre de petit genre de ballon. Puis il se met à péter ça. Puis... je vous conseille de regarder ça ni avant ni après de manger. Mettez au moins un buffer de une demi-heure, une heure autour d'un repas avant d'aller voir ça. C'est pas mal le conseil que je vous donne. Hein. C'est gentil de ma part. Hein. Donc voilà, c'est sur le nunchance.com que vous pouvez aller voir cette vidéo qui est dans la section autour du net. Ça s'appelle Cyst Zit Explodes. Et c'est quelque chose à voir. Ensuite, on est un petit peu en retard là-dessus, je l'admets. T-Zonde avec sa pièce Chocolate Rain. Si vous n'avez pas encore entendu parler de lui, en fait, c'est un jeune homme, un jeune garçon. En tout cas, il a l'air d'avoir genre 13 ans dans le vidéo, mais en tout cas. Donc, on a un petit extrait de sa pièce. Rappelez-vous que le gars, il a l'air très, très jeune. T-Zonde, hein? Chocolate Rain. Some spit dry and others feel the pain. Chocolate rain. A baby born will die before the sin. Chocolate rain. Straight quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Ça avait l'air de ça, je l'ai avancé. Là, je l'ai avancé à 4 minutes 30 plus tard pour montrer que c'est ça tout le long. C'est juste des phrases bizarres avec Chocolate Rain entre chaque. La vidéo dure environ 5 minutes, 4 minutes 52 environ. Donc, si vous voulez aller voir ça. Il y a aussi, tiens, des spoofs, des parodies de la vidéo de Chocolate Rain sur YouTube. Si vous voulez aller voir ça, je vais en partir une. Tiens, remixée par Russ Houghton. Houghton. Chocolate Rain. Some stay dry and others feel the pain. Chocolate rain. Going to cost me a fortune in dry cleaning. Chocolate rain. Donc c'est politicians ouais, doing c'est très lots of nasty stuff. Chocolate rain. In particular that nasty man. C'est juste chocolate des blagues rain. Redoublées et des pets entre chaque phrase. C'est très, très, très bon. Il y en a plein d'autres. Il y en a avec, tiens, Chocolate Rain Darth Vader Remix. Pourquoi pas, hein? Ça s'appelle Chocolate Rain Darth Vader Edition. C'est à peu près l'idée. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus que c'est juste un effet à la Darth Vader rajouté par-dessus. C'est génial. Donc, gros phénomène de Chocolate Rain qui prend de l'ampleur à chaque jour. Et là, commence à se calmer un petit peu. J'aimerais qu'on est un petit peu en retard. Donc, le site web, si vous voulez plus d'informations, avoir des vidéos, une entrevue qu'il a fait à la radio. La plupart des spoofs, des parodies qu'on peut trouver. Les paroles de Chocolate Rain, si vous voulez la chanter dans un karaoké ou faire votre propre parodie, c'est chocolate-rain.com. C'est T-Zonde, la nouvelle sensation Internet avec Chocolate Rain. Voilà, nouvelle entre guillemets, dans notre cas. Donc, allez voir la vidéo et toutes les informations sur le chocolate-rain.com. Mario Paint, c'est comme Microsoft Paint, vous vous rappelez, mais en beaucoup mieux. Beaucoup plus cool, ou au moins ça l'était quand on était tous jeunes. Donc, il y a quelqu'un sur YouTube qui s'appelle Tom Bob Blender, hein, qui est un Mozart virtuel de Mario Paint et son outil pour composer de la musique. La plupart de ses compositions sont des musiques de jeux, mais aussi quelques originales. Donc, si vous voulez aller voir ça, cliquez sur l'article dans le unechance.com. Et on va entendre, tiens, entre autres, la pièce de Mega Man 2, Dr. Wily's Stage 1 Team, jouée dans Mario Paint, pourquoi pas. Et ça, c'est tout monté dans Mario Paint. C'est quelque chose, vraiment. Parce que dans Mario Paint, je sais pas si vous vous rappelez, là, il y avait une souris, OK? Et il fallait déposer des icônes sur une trame, si on veut. Et puis, ça faisait un loop. Hein? Donc, le gars aime beaucoup Megaman. Il y a Megaman 2, Megaman X, Megaman 6, Megaman 7, Street Fighter, Final Fantasy, Super Mario RPG, pas quelque chose comme ça. Donc, si ça vous intéresse, on pourrait écouter, tiens, pourquoi pas une pièce de Super Mario RPG. Même si c'est un des jeux que je connais moins dans la série de Mario, on devrait pouvoir quand même identifier la pièce, hein, pourquoi pas. Ah oui! Ah! Voilà, ça c'est le loop qui recommence. À date, il a joué trois fois depuis qu'on l'a commencé. Donc la pièce The Road is Full of Dangers de Super Mario RPG avec Mario Paint. Moi, en tout cas, moi personnellement, ça m'impressionne. Pas pour vous, là, mais je suis pas très facilement impressionné, mais ça m'impressionne. Ensuite, Polyvar, c'est polyvar.com, P-O-L-Y-V-O-R-E.com. C'est des gens qui prennent des images sur Internet et qui font des collages avec. Donc, le site en tant que tel, le site n'a pas l'air de donner très beaucoup d'informations. Tout ce qu'il y a, c'est des catégories populaires, récents et populaires encore. Sept populaires et items populaires aussi, assez populaires en tout cas. Donc, si vous voulez aller voir ça, on voit un signe de peace, des fleurs, tout ça avec des images qui ont été prises sur Internet. Comme disons, le signe de peace, on voit des cœurs, on voit des souliers rouges, des automobiles rouges, une horloge rouge, une sacoche rouge. Tout ça pour faire une belle image. Donc, moi, je trouve ça très beau, très fun, très bonne façon, un très beau passe-temps, je dirais. Hein? Donc, amusez-vous avec ça. Est-ce que vous connaissez Faceball? Hein? Faceball, non. Your Face, Our Ball, c'est leur slogan. Donc, faceball.org est leur site web. Qu'est-ce que Faceball demande le site? À son niveau le plus simple, Faceball, c'est deux personnes qui prennent un gros ballon de plage et se frappent dans la face. L'un l'autre. À un niveau plus profond, c'est un véhicule pour sortir votre animosité personnelle et donner la honte au plus faible des deux. Donc, on a un joli petit vidéo sur Faceball.org parce que là, il faut que je vous précise que Faceball.org, c'est le nouveau sport national américain. OK? Canadien, québécois, tripulien. C'est nouveau, c'est fresh, exciting. Donc, on va. Ben, c'est ça et on va partir le petit vidéo juste pour vous montrer ce que c'est. Et je vais vous faire la traduction simultanée pour que vous puissiez apprendre. C'est Internet, c'est là pour apprendre, n'est-ce pas? La connexion, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est la connexion. Le voici. C'est un petit peu long, je vais couper quelques mots. C'est déjà très long. En passant, vous pouvez télécharger un PDF. Si jamais vous manquez d'inspiration, vous ne vous rappelez plus comment ça fonctionne. PDF est là. Faceball! On a déjà une démo comme ça. Faceball, le guide du débutant. Dans la première partie de cette introduction, Faceball, nous apprendrons les règles de base. Pour commencer, Faceball demande deux joueurs. D'accord. Jusqu'à maintenant, on suit. On avance un petit peu. Bon, il faut deux chaises. Ensuite, tu tires le ballon sur la face de la personne devant toi. Et tu prends le score sur une feuille de papier. Hein? Très bien. Jusqu'à 5 parties, tu comptes le total, tu couronnes le vainqueur. Et il y a aussi des règles pour si il y a une partie à égalité. Très, très, très, très complexe comme jeu. Et voilà, donc c'est Faceball. Ça valait vraiment la peine de regarder la vidéo complète, n'est-ce pas? Donc, jouez au Faceball, allez voir le faceball.org pour toutes les règles et télécharger le PDF si jamais vous avez oublié une des règles principales du Faceball. Très, très difficile. PocketCalculatorShow.com, le NerdWatch Museum, c'est une collection de centaines de modèles, de douzaines de manufacturiers et de gadgets à l'infini. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le musée des watch de nerd, hein? D'où le nom, des montres de nerd, voilà. Si vous voulez aller voir ça, c'est vraiment très, très génial. Il y a la Casio CA951 de 1982 avec 4 alarmes, 2 mélodies, calculatrice intégrée. La Casio C80 en version plastique noire du modèle CU101. La première montre à calculatrice de Casio en 1980. Très intéressant. Leçon d'histoire, comme ça en finit plus. Il y a des montres calculatrices. C'est divisé en catégories. Hein, c'est très, très scientifique. Les montres calculatrices, les autres montres de nerd. Et puis, c'est pas mal les deux catégories spécifiques à ce site-là. Il y a aussi des montres numériques vintage à vendre. Et puis voilà, c'est vraiment génial. Il y a aussi un forum pour les amateurs de montres calculatrices. Moi, en tout cas, moi, j'en avais une. Fait que, juste pour dire, je suis ça de même. Un autre petit vidéo cocasse comme ça. Et si votre ordinateur... c'est ça. Hein? Vous savez que votre ordinateur a des versions digitales, comme on dit en français, alors que c'est vraiment numérique. Alors, des versions numériques d'articles du vrai monde. Par exemple, une corbeille à papier et une inbox comme à votre bureau. Vous avez peut-être une place pour mettre votre courrier entrant. Donc, cette vidéo-là est une vidéo humoristique qui vous montre de quoi votre bureau aurait l'air s'il n'était pas sur votre bureau, sur votre ordinateur. Donc, simplement, on voit... une page de journal avec... c'est vraiment génial. Avec une petite horloge dans le coin, une petite corbeille en plastique, un lecteur de musique dans le coin, un lecteur MP3. Et le gars, là, tu vois littéralement une main s'appliquer sur ton vrai bureau. Le gars ouvre un dossier qui s'appelle musique, il prend le MP3, il le met dans le lecteur de musique, il prend... qu'est-ce qu'il prend, là? Il prend... il envoie un courriel, je pense, c'est ça, dans une enveloppe. Et là, il reçoit sa réponse. C'est vraiment très, très mignon. C'est vraiment, ça fait dessin animé. En tout cas, ça s'appelle « What if your computer desktop were a real desktop? » Et le lien est dans la section autour du net du unechance.com, comme tous les autres liens de cette semaine et des autres semaines. Il nous reste quelques petites affaires. Dépêchons-nous un petit peu sur les suivants. Des idées web qui devraient exister dans le vrai monde. J'ai posté ça. C'est juste des vidéos, par exemple. C'est un article qui dit des choses qui sont sur l'ordinateur qui devraient exister dans le vrai monde, d'accord? Donc, un engin de recherche, par exemple. Hein? Arrêter le chargement, par exemple, quelqu'un qui est fatiguant puis tu veux juste qu'il arrête de parler. Le RSS pour que toutes les nouvelles de votre famille soient amalgamées automatiquement dans le même endroit. Par exemple, le nettoyage de la cache, l'emmagasinage illimité, le bouton mute, évidemment, comme à la télé. YouTube, parce que la vraie vie devrait être aussi divertissante. Et votre historique, par exemple, parce que des fois, t'as des problèmes de mémoire. Donc, c'est pas mal l'article. Ça dit « Web things that should exist in the real world ». Quelques petits sites comme ça. stpeteforpeace.org, stpeteforpeace.org. « The real threat to Americans », la vraie menace envers les Américains. C'est juste un article qui est très, très populaire sur dig.com en ce moment, qui est un amalgame de toute la population américaine. Ou au moins ceux qui utilisent le site, qui viennent voter pour des articles intéressants. Donc, ce que ça dit, c'est que le 11 septembre, presque 3000 Américains ont été tués. Et depuis ce temps-là, presque 10 millions d'Américains sont morts de d'autres causes. Et là, il y a une charte, un tableau, si on veut. Le terrorisme, 3000 morts entre 2001 et 2005. Ensuite, l'homicide, 96 000. À cause de conduite affaiblie, 102 000. Mauvais soins de santé, 108 000. Obésité, 155. Suicide. Ensuite, là, ça y va en ordre vers le plus grand. Suicide, fumée secondaire, erreur médicale, diabète, cancer, cigarette et maladie du cœur avec 3 120 000. Donc, ça montre par comparaison, pas nécessairement que le 11 septembre était moins important. Mais en tout cas, ça dit quelque chose. La vraie menace envers les Américains. C'est stpeteforpeace.org via unechance.com, comme toujours, pour aller voir les liens. J'ai posté plinko.net/404, qui est le 404 Research Lab, qui vous montre différentes pages d'erreur 404. Vous avez tous fait l'expérience de ça. En allant sur n'importe quel site, par exemple, vous tapez cfou.com au lieu de cfou.ca ou unechance.ca au lieu d'unechance.com, vous tombez sur une erreur 404, ça peut arriver. Ici, c'est des drôles de pages 404. Il y a des versions adultes, internationales, philosophiques, sexy, choquantes, étranges, inattendues. Donc, toutes des catégories qui vous montrent différentes pages 404. Moi, je trouve ça très divertissant pour passer quelques petites minutes là-bas. Un tatou sur tumble.us, qui est un blog comme ça, un tumble log qui appelle. Donc, c'est un gars qui s'est fait tatouer un message d'erreur de Windows sur son bras. Hein? C'est nerd? Oui? Cool? Mais le fun à voir au moins une fois, puis après ça, tu te regrettes pour le reste des temps, le reste de tes jours. Donc, c'est ça, ça dit appuyez sur n'importe quelle touche pour terminer l'application courante, appuyez sur CTRL-ALT-DEL pour redémarrer votre ordinateur. En tout cas, c'est très, très drôle, très beau. C'est ça. Allez voir sur lunechance.com pour le voir. Et finalement, la dernière vidéo de la journée qui n'a pas, je crois, de musique, ou en tout cas, s'il y en a, c'est pas très intéressant, c'est Spider-Cat. Does whatever a spider cat can. Donc, c'est sur iambored.com. I-am-board.com. C'est juste un chat qui grimpe un mur comme un Spider-Man, comme un homme araignée. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Très, très beau. Et le gars l'accueille rendu au deuxième étage. Je sais pas si c'est truqué. Je sais pas s'il y a quelque chose. Peut-être que le mur est fait en substance surface facile à gripper pour les chats. Mais en tout cas, c'est une des vidéos les plus populaires présentement sur Internet. C'est Spider-Cat! Spider-Cat, allez voir tous les liens de l'émission d'aujourd'hui et les émissions précédentes sur le www.unechance.com. Voilà qui fait le tour pour la connexion autour du net. Maintenant, regardons quelques-uns des des jeux qui sont les plus en attente présentement. Attente présentement. Les jeux vidéo les plus populaires sur GameSpot. Finir par l'avoir. Donc, sur GameSpot.com, qui nous donne, comme à chaque semaine, comme à chaque jour, comme à chaque heure, les jeux vidéo qui sont les plus attendus dans ceux qui ne sont pas encore sortis. Et ça s'en vient dans quelques secondes, à peine. On commence par la troisième position de ces jeux les populaires qui s'en viennent. Resident Evil 5 de Capcom sur Xbox 360 qui sort, on n'a pas encore de date. La deuxième, c'est Universe at War Earth Assault de Sega sur PC. Ça sort dans le quatrième quart de cette année 2007. Et le jeu numéro 1 le plus attendu, c'est Halo 3, évidemment, de Microsoft Game Studios qui sort sur Xbox 360 le 25 septembre prochain de Bungie Software. Tout de suite, voici une pièce de Jacques Mort. C'est Feu Follet à la connexion, assez fou, 89.1 FM. Du soir au matin, sans trop savoir, je ne sens suivre un chemin. Celui des hasards, des coups du destin. Tu m'as souri, Jésus, que tout était bien. C'était le début. same old crap, well have no fear. Ricky V. Valentine is back with his brand new triple CD box set singing ghetto classics for the aging B-boy, such as Grandmaster Flash and Melly Mel's The Message. It's like a jungle. Sometimes it makes me wonder how I keep on going under. And N.W.A. straight out of Compton. Straight out of Compton. A crazy motherfucker named Ice Cube from a gang called Niggas with Attitude. Also featuring Outkast, Sorry Miss Jackson. Sorry Miss Jackson. Never meant to make your daughter cry. I apologize at the same time. Sorry Miss Jackson. And the mighty Jay-Z's Girls, Girls, Girls. Girls, girls, girls, girls. It's girls out the window. You put your name on this paper because I would love to date you. Holler at you when I come up tall. To purchase your copy of Ricky V. Valentine's Ghetto Classics box set for only $29.95. Yes, $29.95. Phone now. 2-555-00-2214. Or for those who are online, Bon, retour sur la deuxième heure de la collection, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est Fou 89 FM. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans quelques secondes, on va faire le film jeux vidéo. On va parler entre autres de Resident Evil 5 qui est accusé de racisme et de Rockstar qui fait appel de l'interdiction de son jeu vedette. Et aussi, c'est la Xbox 360 qui va peut-être baisser de prix, même que je crois que ça a été confirmé depuis. Enfin bon, on en parle tantôt, mais pour l'instant, voici une pièce de The Fratellis, Flathead, à la collection. À C'est Fou 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Well, just because you're feeling well, and you made me talk to her in a pink hotel. Don't need these guys for me. I just want my woman to see. If I hit, know what you get me. She's the second best killer I ever have seen. It don't come much more sick than you. I can go on any woman too. It's just so wrong, so very nice. And I told you once, and you killed me twice. Saw you one time in the back of the club. Threw it on glass and the tickets burned. So I heard you get the boy till he played. I said, oh my God, till she said avec Flathead de leur album Costello Music, ici à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est Fou 89.1 FM. Maintenant, c'est l'heure du fil Jeux vidéo. Eh oui, cette semaine en jeux vidéo, on commence par Resident Evil 5, accusé de racisme. Selon Black Looks, un blog consacré aux femmes afro-américaines, le contenu issu du jeu Resident Evil 5 semble contrariant. L'instigatrice du sujet propose la diffusion de la bande-annonce sur le blog et considère qu'il s'agit ni plus ni moins de racisme. Voici ce qu'on peut y lire, et je cite. Dans le nouveau jeu de Resident Evil, un homme blanc tue des hommes de race noire. Ceux-ci seraient des zombies et la besogne de l'homme blanc consiste à les éradiquer afin de sauver l'humanité. Et je cite. J'ai un boulot à faire et je le ferai jusqu'au bout. Voici maintenant son commentaire, et encore une fois, c'est une citation. « Ceci est problématique à plusieurs niveaux, incluant l'image négative de la population noire dépeinte par le jeu comme des sauvages inhumains, le fait que les gens de race noire soient tués par un blanc en uniforme militaire et également le fait que le jeu soit destiné aux enfants et aux jeunes adolescents. Apprenez-leur très jeunes à avoir peur des noirs, à les détester et à les détruire. Si vous voulez voir la bande-annonce, allez voir le lien. » Resident Evil 5 accusé de racisme sur le unechance.com. L'article a le lien dans son premier paragraphe. Autre controverse, c'est la suite du feuilleton Manhunt 2. Dans l'épisode de cette semaine, on apprend que Rockstar a finalement décidé de faire appel de la décision du BBFC d'interdire le jeu au Royaume-Uni, le jeu Manhunt 2. Le British Board of Film Classification, avait décidé, j'essaie de traduire, mais bon, pas très efficace, avait décidé de bannir le jeu en juin, le jugeant trop cruel. Rockstar avait alors 6 semaines pour faire appel auprès du Video Appeals Committee. C'est donc désormais chose faite. Ce comité doit maintenant statuer sur le sort final du jeu, notamment en écoutant les arguments des deux parties et en assistant à des démonstrations. Oui, mon téléphone sonne en nombre. Selon les fascicules publicitaires de Walmart et de Toys R Us, la grosse nouvelle de cette semaine, il semblerait que la console de nouvelle génération de Microsoft va bientôt connaître une baisse de prix. Donc, les publicités montrent que le dimanche 12 août prochain, la version premium de la Xbox 360 sera au prix de 349 US, soit une baisse de 50$. Mais rien ne signale une promotion quelconque ou si un autre modèle de Xbox va aussi voir son prix baisser. On suivra le dossier. Les commentaires de l'article disent entre autres, j'ai regardé sur 2 sites et la réduction ne semble pas encore effective en tout cas. Entre la baisse de prix et la hausse du dollar canadien, je me demande quand on va enfin payer la Xbox moins de 400$. Un autre dit, sérieux, on ne se rend pas compte de certaines choses. Pour les appareils électroniques, les normes au Canada sont plus sévères, donc cela oblige à quelques tests complémentaires. Donc allez lire les commentaires et la nouvelle en tant que telle, la Xbox 360 en baisse de prix sur lunechance.com. L'article dit hier. Cette semaine, lors du Comic-Con International 2007, Microsoft a annoncé dès le 1er août le prix du lecteur HD-DVD va passer de 199 à 179$ aux États-Unis. De plus, ceux qui vont acheter le lecteur avant le 30 septembre vont pouvoir choisir 5 HD-DVD tout à fait gratuitement. Donc là, c'est vraiment très, très gros dans le sens que Microsoft va pousser le HD-DVD à fond. Peut-être que ça va changer les choses contre le Blu-ray. En tout cas, à mon avis, j'ai bien hâte de voir la suite de ça. Aussi, pour promouvoir la sortie du film 300 et la première saison de Heroes, Microsoft a aussi annoncé que 300 sera offert sur demande sur le Xbox Live Marketplace à partir du 14 août. Puis, avant même la sortie du coffret de Heroes, les joueurs vont pouvoir télécharger gratuitement le premier épisode en haute définition. En avril dernier, on parlait que Microsoft et Pepsi préparaient une version Halo 3 de Mountain Dew. Cette semaine, certains médias, dont Kotaku.com, ont reçu un duo de 2 canettes contenant le fameux breuvage. Selon la boîte, le Halo 3 Game Fuel sera officiellement en vente à partir du 13 août prochain aux États-Unis. Il va être disponible pendant exactement 12 semaines avant de disparaître. Selon le contenant, le Game Fuel a le même goût que le Mountain Dew, sauf qu'on y retrouve des arômes de cerise et de la caféine, parce que Mountain Dew n'a pas de caféine. Enfin, la boisson viendra en 2 formats, 12 et 20 onces. Pour visionner quelques images, allez voir le lien de Kotaku dans l'article « Le Halo 3 Game Fuel en vente bientôt sur lunechance.com ». L'article venait de jeuxexpress.com. Maintenant, un article de gamecube.com. Tout comme les disques durs ou les CD et DVD vierges, les consoles de jeux, et là on parle de la France, les consoles de jeux qui disposent d'une capacité de stockage numérique pourraient-elles aussi faire l'objet d'une taxe en France? Cette idée a été évoquée lors de la dernière réunion de la commission d'Albis qui devrait se pencher dès la rentrée 2007 sur le cas de nos jouets préférés à tous, qui, avec leur capacité multimédia grandissante, pourraient tomber dans les filets de la redevance pour la copie privée. Bien qu'encore au stade de la discussion, le syndicat de l'industrie des technologies et de l'information a demandé à ce que le sujet soit étudié avec urgence, avec la volonté d'appliquer la redevance redevance avant les fêtes de fin d'année. Donc, les consoles pourraient avoir une taxe d'ici la fin de l'année. Comme le soulignent les gens de chez ZDNet en France, la rentrée sera chargée pour la commission qui prévoit l'application de la redevance sur les téléphones MP3, les Blu-ray, HD-DVD, mais aussi les agendas électroniques à faire, à suivre, évidemment. Toujours sur Gamekult, à peine remis de la très médiatique affaire Immersion sur la vibration, là, on se rappelle tous la vibration des manettes de PlayStation. Donc, Sony Corporation of America vient à nouveau d'essuyer une plainte concernant la PlayStation 3. Après la manette DualShock, c'est donc au tour du processeur Cell de la dernière année de Sony, la PlayStation 3, d'être au cœur de la polémique. Une société américaine spécialisée dans le développement de ce type de composant, le Parallel Processing, affirme en effet que le constructeur de la PS3 violerait l'un de ses brevets, datant d'octobre 91. Dans l'attente d'une réponse officielle des accusés, on ignore encore si cette nouvelle affaire judiciaire ira jusqu'au procès ou aboutira à un accord à l'amiable entre les deux parties. Seule certitude pour Sony, les conséquences d'une condamnation aussi improbable seraient ravageuses. Outre une indemnisation financière, Parallel Processing exige également le retrait et la destruction de tous les appareils estampillés Sony qui utiliseraient la fameuse technologie brevetée, donc quelque chose d'un petit peu irréaliste, mais quand même à faire à suivre encore une fois. Toujours chez Gamekult, fidèle à sa malheureuse tradition, dit l'article, Nintendo devrait cette année encore faire l'impasse sur le Tokyo Game Show qui est prévu pour le mois de septembre prochain, en dépit des rumeurs tenaces qui annonçaient sa présence. Donc c'est du moins ce qui semble ressortir d'une récente mise à jour du site officiel des organisateurs qui dresse une liste provisoire des 168 exposants présents sur place. Une liste où le constructeur de la Wii fait donc défaut, même si un porte-parole de la firme a déclaré aux gens de chez GameSpot que rien n'est scellé. Une présence surprise du constructeur n'étant donc pas à exclure au Tokyo Game Show. Toujours est-il qu'avec ou sans Nintendo, cette édition 2007 sera a priori la plus faste jamais organisée, avec un nombre record de stands ou kiosques annoncés. Gamekult sera par ailleurs sur place pour couvrir l'événement et la collection vous fera part en copiant-collant des articles de chez Gamekult.com. Voilà, c'est la tradition. Maintenant, passons à Allgamers.com qui nous dit que Square Enix donne des détails sur le Fan Festival 2007. Se déroulant du 15 au 17 novembre prochain dans l'hôtel Hilton de Anaheim, en Californie, l'événement Fan Festival 2007, centré sur les fans, se veut une célébration de ceux qui ont permis à Final Fantasy XI de devenir un succès en Amérique du Nord depuis plus de 4 ans. Les personnes présentes à l'événement auront la chance de jouer pour la première fois à Wings of Goddess, la quatrième et très attendue expansion du monde de Vanadil. Annoncé pour l'hiver 2007 sur PS2, PC et Xbox 360, ce jeu promet un grand nombre de nouveautés qui vont complètement recréer ce monde. Voilà. De plus, les participants pourront faire partie de quêtes en direct, de bon nombre de concours et des groupes de discussion et avec des éléments clés de l'équipe de développement de FFXI, qu'on pourrait dire. Le nombre de participants maximum sera de 1500. Le pré-enregistrement de chaque participant coûte 85$ et contiendra une entrée pour les 3 jours, un gobby bag plein de cadeaux, ainsi qu'un objet tiré du jeu qui ne sera disponible qu'une fois arrivé à l'événement. Pour plus de renseignements, veuillez aller voir le ffxifestival.com si ça vous intéresse. Les amateurs de Final Fantasy en ont des millions de milliards de millions de milliards. Comme chaque année, les journalistes américains décernent leur Game Critics Award, qui récompense les meilleurs jeux de l'E3, selon eux. Oui, on parle encore de l'E3, oui, ça fait plusieurs semaines. Mais je te dis, l'E3, ça dure, ça a des répercussions pendant les mois à venir, c'est ce que j'ai. Donc, Rock Band est le grand gagnant de cette QV 2007, avec pas moins de 3 victoires, dont la récompense suprême de meilleur jeu du salon, ou le meilleur jeu du salon, Best in Show. Après son triomphe l'an dernier, la Wii est cette fois-ci la grande absente du classement. Peu de surprises dans le reste de la liste, avec tous les gros titres attendus prochainement, comme Crysis, Halo 3, Call of Duty 4 ou encore Bioshock. Voici la liste au complet des Best of Show de l'E3, ce qu'on appelle les Game Critics Awards 2007. Meilleure attraction du salon, c'est Rock Band. Meilleur jeu original, Little Big Planet. Meilleur matériel périphérique, c'est les instruments de Rock Band. Meilleur jeu d'action, Call of Duty 4. Meilleur jeu d'action-aventure, Bioshock. Meilleur jeu de rôle, Mass Effect. Meilleur jeu de course, Burnout Paradise. Meilleur jeu de sport, Madden NFL 08. Meilleur jeu de combat, Virtua Fighter 5. Meilleur jeu de stratégie, World in Conflict. Meilleur jeu casual puzzle game social, Rock Band. Meilleur multijoueur online, Halo 3. Meilleur jeu sur console de salon, Mass Effect. Meilleur jeu PC Crysis, meilleur jeu sur console portable de Legend of Zelda Phantom Hourglass et prix spécial pour les graphismes Killzone 2. L'article vient de jeuxvideo.com. Si vous voulez aller voir des vidéos de l'E3, allez voir les notes d'émission d'il y a quelques semaines, c'était il y a 3 semaines si je me rappelle bien. Passez par lunchance.com, allez voir les anciennes, les archives de la collection dans la barre de droite dans le petit menu sur le site. Un courriel provenant d'une source travaillant au sein de la vente de jeux vidéo au Québec nous apprend que le très attendu Halo 3 pourrait bien ne pas être disponible en anglais dans la province du Québec. En effet, selon cette source, Microsoft prévoit lancer deux versions du jeu, une uniquement en français et l'autre entièrement en anglais. Pourquoi ne pas lancer les deux versions du jeu au Québec l'une à côté de l'autre? Eh bien, tout simplement parce que selon la loi 101, il est interdit de mettre en vente des produits dont l'affichage n'est qu'en anglais. D'accord? Et comme la version anglaise d'Halo 3 ne contiendra aucune trace de français, ce qui comprend son boîtier et son livret, il sera illégal de le mettre en vente dans la belle province. Des négociations sont en cours avec l'Office de la langue française pour tenter de trouver un terrain d'entente à ce litige. S'il ne peut y avoir d'entente, il semblerait bien que Halo 3 ne sera en vente que dans la langue de Molière au Québec. À noter que les versions françaises et anglaises du jeu seront tout de même produites en même quantité, ce qui signifie que vous pourrez mettre la main sur l'édition de base, Collector ou Legendary du jeu, peu importe si celui-ci est uniquement offert en français au Québec. Donc l'article vient de hardgamers.com, très très mauvaise nouvelle pour les Québécois. Parce que c'est pas parce qu'on est au Québec qu'il y a juste des gens qui parlent français ici. Hein? Mais de toute façon, vous allez pouvoir vous procurer la version en anglais sur eBay si vous le voulez de toute façon. Vous n'en pouvez peut-être plus des films de Uwe Boll. Et là, je vais encore une fois, à chaque fois que je parle de Uwe Boll, je me rappelle jamais des noms des films qu'il a fait. House of the Dead, quelque chose. Je vais vous nommer ça dans quelques minutes. Mais tout ça pour dire que on parle de Uwe Boll. D'accord. Uwe Boll, qui sont pour la grande majorité médiocres, ces films, dit l'article de Hardgamers. Eh bien, peut-être que l'aventure du réalisateur allemand sera différente dans le domaine du jeu vidéo, puisqu'il a annoncé qu'il finance le développement d'un jeu basé sur son futur film Tunnel Rats pour la Xbox 360 et le PC. Le développeur Replay Studios se charge du développement du titre, qui sera un jeu de tir à la première personne roulant sur l'engin Replay Engine. Le jeu comprendra une dizaine de niveaux basés sur des environnements du film et une douzaine d'armes. Les acteurs du film y seront aussi présents. Vous pourrez non seulement y canarder vos ennemis, mais aussi vous faufiler derrière ceux-ci, désarmer des pièges et vous engager dans des combats rapprochés dans des tunnels. Tunnel Rats va raconter l'histoire d'un groupe de soldats américains envoyés dans les jungles du Vietnam lors de la guerre, ayant fait rage au sein de ce pays afin de tuer des soldats Viet Cong. Le jeu mettra en scène un jeune soldat s'étant échappé d'un camp POW, Prisoner of War, et devant s'aventurer dans une vallée fortifiée de la province de Chuchi. Néanmoins, à mesure qu'il confrontera et participera à diverses horreurs de la guerre, son état mental dépérira, ce dont vous serez témoin à travers les événements du jeu. Donc, Tunnel Rats sera lancé en même temps que le film du même nom l'an prochain. À noter que si le jeu connaît du succès, Boll prévoit développer d'autres idées de jeu qu'il a en tête. Uwe Boll, qui jusqu'à maintenant est un échec total dans le sens de la critique, les gens le détestent. Certains l'aiment par mépris, par sarcasme peut-être. Mais les gens le détestent. Donc, c'est lui qui a fait comme film. Il a produit Alone in the Dark 2, Far Cry. Ça, c'est deux films qui sont en pré-production. Blood Rain 2, Deliverance, Postal, Seed, Blood Rain, Alone in the Dark 1, House of the Dead, Art of America, un paquet d'autres films comme ça. Même un film qui s'appelle Fiasco. Ironie, peut-être. Donc voilà, Uwe Boll qui finance un jeu. Allez voir l'article Uwe Boll finance un jeu sur leunechance.com. Ça fait le tour du fil jeu vidéo. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses tout d'un bout. Cette semaine, ça me tentait. Maintenant, regardons un petit peu le palmarès des jeux les plus loués en Super Club Vidéo 3 la semaine dernière. En cinquième, on retrouve Guitar Hero 2 sur 360. En quatrième, Wii Play sur la Wii. En troisième, Guitar Hero 2 sur la PlayStation 2. En deuxième, NASCAR 08 sur la 360. Et le jeu le plus loué, c'est Guitar Hero Encore Rocks the 80s sur la PlayStation 2. Tout de suite, voici une pièce des prostituées du palmarès francophone de C'est Fou, c'est New Wave Kids au palmarès. C'est Fou, francophone, dans la connexion. New wave, yes, new wave, yes, new wave, yes, new wave. Les prostiputes avec New Wave Kids sur le palmarès francophone de C'est fou à la collection, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est l'heure du fil technologique. Parlons de quelques nouvelles qui n'ont pas rapport ni avec les ordinateurs ni avec les jeux vidéo. C'est juste de la technologie en général. Les nouveaux médias occupent une place croissante dans la vie des Canadiens qui semblent délaisser peu à peu la télé et la radio. Un rapport du CRTC révèle que les Canadiens ont un plus grand choix de services de radio et de télé qu'auparavant, mais qu'ils les utilisent moins. Selon le rapport, 70 % des ménages canadiens étaient abonnés à Internet en 2006, soit 6 % de plus qu'en 2005. Cet engouement du public a permis d'attirer les annonceurs et la publicité sur Internet a totalisé 1 milliard de dollars en 2006, soit près du double du total de l'année précédente, alors que la pub s'était chiffrée à 562 millions de dollars. L'an dernier, les Canadiens ont regardé la télé en moyenne durant 27,6 heures par semaine, soit un peu moins que les 28,1 heures enregistrées en 2005. Ils ont écouté la radio en moyenne pendant 18,6 heures par semaine, soit un peu moins qu'en 2005, où l'écoute se situait à 19,1 heures. En autant que la connexion compte là-dedans, c'est pas grave le nombre. Les stations commerciales privées ont récolté un peu plus de 80 % de l'écoute radiophonique totale. Les revenus des stations de radio commerciales privées ont tout de même totalisé 1,4 milliard de dollars en 2006, étant en hausse de 5,7% par rapport à l'année passée. Les revenus de la télé conventionnelle ont pour leur part atteint 2,6 milliards, une hausse par rapport aux 2,5 milliards accumulés en 2005. L'article est de la presse canadienne. S'il vous plaît, arrêtez pas d'écouter la radio. On veut survivre. Un écrivain italien a décidé de profiter de son téléphone cellulaire lors de ses navettes quotidiennes vers le travail et de retour vers la maison en écrivant un livre. Oui, un livre sur son téléphone cellulaire dans l'autobus. Donc, Robert Bernocco, un professionnel des technologies de l'information, a réussi à rédiger durant son temps de voyagement quotidien un roman de science-fiction de 384 pages, Compagni di Viaggio, compagnon de voyage, sur son Nokia en se servant du système de clavier T9 du téléphone. Oui, le système T9 du téléphone que tout le monde déteste. Et je cite, « C'était plus qu'autre chose un problème de gestion. Il avait en lui ce livre et souhaitait absolument l'écrire, mais il s'est aussi rendu compte qu'il n'avait pas le temps de s'asseoir à l'ordinateur pour le rédiger. » C'est ce qu'a dit la directrice des relations publiques chez l'éditeur du livre Lulu.com. Écrivant en italien standard plutôt qu'en messagerie texte, M. Bernocco a divisé son manuscrit en paragraphes courts qu'il a sauvegardé sur son téléphone puis téléchargé sur son ordinateur à la maison pour révision et édition. Il y a à peine quelques années, il m'aurait été ardu de trouver tant le temps que l'éditeur pour créer ce livre. C'est ce qu'il a admis. Grâce à mon Nokia et à Lulu, je suis maintenant fier de pouvoir dire que je suis un auteur publié. Lulu.com compte plus d'un million de membres inscrits et a été développé par l'homme d'affaires canadien Bob Young pour publier des livres, des vidéos et du contenu multimédia sur Internet. Et je cite, « Le fait que cet homme ait eu cette idée novatrice, puis ait également trouvé si simple de télécharger son contenu sur notre site et créer un livre décrit bien ce que nous sommes, l'édition simplifiée. » Wow. De dire Mme Jordan à Reuters. Il y a environ 323 000 volumes publiés sur Lulu.com. Le livre de M. Bernocco est couramment classé au 19 720e rang en termes de vente et peut-être acheté à 17,38 $. C'est pas parce qu'il l'a écrit dans le transport en commun que c'est populaire, néanmoins. La nouvelle vient de Reuters via canoe.com. Une action collective vient d'être lancée aux États-Unis pour protester contre la politique d'Apple en matière d'échange de batteries dans le cadre de la commercialisation de son premier téléphone mobile, l'iPhone. Certains utilisateurs se plaignaient, se plaignent encore, bande de peignards, de ce que la batterie de l'appareil ne puisse être changée que par Apple et soupçonnent la firme d'avoir volontairement utilisé des accumulateurs à faible durée de vie, de façon à ce que les consommateurs soient obligés de fréquemment faire appel à son programme d'échange. Une procédure qui, non contente d'être facturée plus de 85 $ avec les frais de réexpédition, immobilise l'appareil pendant plusieurs jours. L'instigateur de cette action collective affirme dans sa plainte que la batterie de l'iPhone ne pourrait supporter que 300 cycles de charge et de décharge et évalue la durée de vie de cette dernière à environ un an. Si les pratiques d'Apple en matière de batterie sont effectivement contestables, et ce depuis les premiers baladeurs iPod, ce chiffre ne paraît pour le moment fondé sur aucune mesure réelle. Apple affirme dans sa documentation iPhone que la batterie de l'appareil conserve 80% de son autonomie après 400 cycles complets. La firme a déjà dû faire face à plusieurs, il y a quelques années, à la grogne des consommateurs américains déçus de l'autonomie de leur baladeur iPod. En juin 2005, elle avait fini par accorder, sous condition, un remplacement gratuit de la batterie. En attendant de connaître l'issue de cette action collective et la durée de vie réelle de la batterie de l'iPhone, on remarquera que les fabricants d'accessoires s'empressent d'apporter leur réponse aux angoisses des consommateurs. C'est toujours leur premier souci, hein? Plaire aux gens, C'est ça qu'ils veulent faire, les vendeurs d'accessoires, c'est pas faire d'argent, c'est plaire. Donc, on apprend que la société Brando de Hong Kong vient de mettre en vente un kit de remplacement de batterie pour le iPhone comportant la batterie, le mode d'emploi et des outils pour ouvrir l'appareil à seulement 20$. Seulement 20$, c'est des anges de lui fournir ça. Attention par contre, parce que ce type de manœuvre compromet la garantie de l'appareil. L'article vient de Clubic.com et vous pouvez le retrouver sur unechance.com. C'est bien connu, le sexe fait vendre, dit un autre article de Clubic, et Sony ne souhaite sans doute pas réitérer avec le Blu-ray l'expérience du Betamax qui n'avait pas su s'imposer face au format VHS, alors que le groupe japonais se montrait jusqu'ici plutôt réticent à l'idée d'accueillir des contenus pornographiques sur son format optique haute définition. Il viendrait, selon PC World, d'équiper un fabricant de disques taïwanais d'une presse dédiée au format Blu-ray, en sachant que ce dernier allait collaborer avec les industriels japonais du X. Sony et Disney, l'un de ses partenaires pour le développement du Blu-ray, était pourtant historiquement opposé au contenu pornographique, Disney allant même jusqu'à refuser de collaborer avec des fabricants qui pressent des disques pour adultes. Hein? Divers éditeurs disposent déjà du moyen de proposer des films X sur des disques Blu-ray. Sony n'accordait les machines permettant d'une production de masse et le support technique associé qu'à quelques fabricants sélectionnés. D'aucuns estiment qu'en refusant les contenus pornographiques, Sony risquait de s'aliéner quelques chances de victoire dans la bataille qui oppose son format Blu-ray au HD-DVD. Et bien, les partisans du format mis au point par Toshiba ne s'embarrassent en effet pas de tels scrupules. On dirait un poème. Donc, porno sur Blu-ray, Sony revient sur sa position. C'est l'article de Clubic, un joli site français que vous pourrez trouver sur unechance.com. Voilà qui fait le tour du fil technologique. Regardons quelques jeux les plus vendus au Japon cette semaine. En fait, c'est pour la semaine du 23 au 29 juillet. Selon Media Create, l'institut japonais via gpara.com, les jeux les plus populaires. Donc, en cinquième position sur la Wii, Mobile Suit Gundam 0079. En quatrième, It's a Wonderful World sur la DS. En troisième, Tatsujin DS sur la DS. En deuxième, Everybody's Golf sur la PlayStation 3. Et en première, c'est Mario Party 8 sur la Wii. Du côté des consoles, en troisième, la PSP. En deuxième, la Wii. Et en première, au-dessus de 154 000 copies pour la Nintendo DS Lite. Tout de suite, voici une pièce du palmarès anglophone de C'est fou. C'est The United Steelworkers of Montreal, de leur album Kerosene and Coal. Voici Small Town Banks. À la connexion à C'est fou 89 FM, la radio campus. La radio la plus impressionnante au monde, les 89 FM. Pull off top and blow off the jets. Unscrew the filter, make sure it's wet. Pull off the cables and check for corrosion. Put out that smoke, don't need no explosion. Fire an order, start steering some foam. Let's breathe some life in this pile of dung. She's a long walk home and the air is heavy. Wanna see my arm hanging out of that Chevy. Got dust clouds off the back of her brain. Necks and backs all racked with pain. Small town banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. Dipstick fall and a freeze. Climb underneath, she's a bit of a squeeze. It ain't the bells, well, they scream louder. Back in the block, check the wire to start her. Jackals in a notch by the plate. Kicking that block, don't seal my fate. Take a long pull off a bottle of Bud. Down along these knuckles covered in blood. I got dust clouds off the back of my brain. Necks and backs all wrapped with pain. Small town banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. One, two, three, four. Firm to the arm on the manifold, duct tape scissors and a brand new fold. A five grip same metal a wire. Always think at home on a rim and a tire. She fires life falls. Red stripe, thank God for that rusty old kitchen knife. Jack pulled out, heat in the ditch. Slap me on the wheel, call me son of a bitch. I got dust clouds on the back of my brain. Necks and backs all racked with pain. Slow down banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. Names come out in the press. Who's in the wiser in the wrong guess? I'm a first-hand gun man. What a story told by a friend of Ted Helpson, Jim Lovey. United Steelworkers of Montreal avec Small Town Banks. Avant d'aller en pub, c'est l'heure de notre question quiz de la semaine. Vous devez nommer le jeu suivant. La réponse au retour à la question à CFI 89.fr. Avant la pause, je vous ai demandé quelle est cette pièce. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi? Et oui, c'est la trame sonore, la pièce titre du jeu Ice Climber sur le NES. Dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. J'espère que vous avez réussi notre petit test facile, Ice Climber. Franchement, semaine prochaine, j'essaierai de passer un petit peu plus difficile pour vous, mais tout de suite, voici une pièce de Saint-Flemme. Pas de crémage. J'allais à la pêche avec mon père quand j'étais jeune dans le parc Chibougamau, dans le char, le bandane avant. C'est la largeur de l'auto. Un gros char brun et beige. Le coffre grand comme un garage. Dans mes yeux d'enfant, le lac Saint-Jean c'était large. J'étais ma liqueur comme une bière. Le soir je croyais aux prières. Je faisais mes 31 chapelets pour sortir avec Pascal Jeunet. On avait tout l'été. Fait se faire bronzer, pas de crémage. Dans la rue, on jouait au hockey. Des fois, on snappait des roches sur le garage. Les haies grissées, murs de colle, les poteaux et les clôtures. Jamais osé y demander. Oh non, ça c'était ben trop dur. Blonde, les yeux bleus, ça a pas été long que le beau Marc l'a spoté. Mais ça se joue à deux. Fait que c'est sa sœur que j'ai pogné. Dans ce temps-là, les comiques étaient mon godorak. Puis les cités d'or à cette heure, c'est vraiment rendu con. Vous êtes bien mieux d'aller jouer dehors. On avait tout l'été. Faire bronzer, pas de crémage. Dans la rue, on jouait au hockey. Des fois, on snappait des roches sur le garage. Mais il fallu que j'aille à l'école. C'était pas dur, mais c'était dole. Puis il fallait se battre, pas se laisser faire. Mais il y a tout un smart qui venait avec son frère. À cette heure, c'est fini. J'ai passé au travers. J'ai manqué ma vie. J'suis devenu fonctionnaire. Ben pareil comme à l'école. Facile mais hostile c'est dole. Heureusement que j'suis syndiqué. Rien que pour le fun, c'est de me clairer. On avait tout l'été. Fait se faire bronzer, pas de crémage. À ce temps, faut que j'aille travailler pour réparer les poches du garage. Saint-Flemme et pas de crémage! À la connexion à C'est Fou 89.1 FM, maintenant essayons les deux minutes les plus rapides de l'émission, voici bientôt sur vos consoles. On va essayer pour voir. Eidos et Ironstone ont annoncé qu'ils préparaient un jeu vidéo basé sur la série télé Doctor Who qui a été diffusée pour la première fois il y a 43 ans. Des versions PC, PS2, DS sont prévues et elles devraient être lancées vers la fin de l'année 2007. Bungie a annoncé que Halo 3 allait inclure un mode coopératif en ligne qui supportera 4 joueurs en même temps. Square Enix a confirmé le développement de remake de Dragon Quest 4, 5 et 6 sur Nintendo DS. Les trois jeux de rôle seraient recréés en 3D. Rockstar travaillerait sur une nouvelle franchise qui sera exclusive à PlayStation 3. Il n'a pas voulu dévoiler l'identité du jeu, mais il a affirmé qu'il ne s'agissait pas de L.A. Noire, mais plutôt de quelque chose de tout nouveau. LucasArts a annoncé le développement de Lego Indiana Jones sur différentes plateformes. La plupart des versions vont être développées par le même studio qui a produit les deux Lego Star Wars et qui travaille aussi sur Lego Batman. Nintendo a mis à jour la Virtual Console avec Star Soldier sur le NES, un jeu de tir vertical, Dynamite Heady sur la Genesis, un jeu de plateforme, et Drop Off sur la TurboGrafx-16, un jeu de casse-tête arcade. Côté Xbox Live Arcade, Microsoft a lancé simultanément Marathon Durandal, une version améliorée du classique de Macintosh qui a été développé à l'époque par Bungie et Spyglass Board Games, et aussi Spyglass Board Games, une compilation de jeux comme les échecs, les dames et le réversi. Ubisoft a annoncé que le jeu basé sur la télésérie Lost sera lancé pendant le premier trimestre de 2008. La compagnie a aussi annoncé la signature d'une entente avec NBC qui lui permettra de développer un jeu basé sur la série télévisée Heroes. EA a officiellement confirmé le développement de The Sims 2 Bon Voyage qui sera lancé en septembre prochain sur PC. L'expansion va vous permettre d'explorer trois lieux exotiques, une île tropicale, un terrain de camping situé sur le sommet d'une montagne et les terres du Far East. Le plus récent numéro du magazine britannique Endgamer envoie la rumeur que le jeu de Rare, Donkey Kong 64, pourrait très bientôt sortir sur la Nintendo DS. Et finalement, MagKid, un jeu conçu par Nintendo, sort au Japon cette semaine, le 2 août, même si aujourd'hui, si vous écoutez en direct, j'ai posté sur le site une vidéo. La bande-annonce a l'air vraiment géniale. Le jeu vient avec un périphérique qu'on connecte sous la console. Tu dois faire bouger la console sur la table pour contrôler le personnage. Donc moi, ça m'excite vraiment beaucoup. Ça sort le même jour que DS Face Training, un autre jeu qui vient avec un périphérique. Cette fois-ci, c'est une caméra. Et voilà, donc c'était les deux minutes les plus rapides de l'émission. C'était bientôt sur vos consoles. Retrouvez les détails, tous les articles au complet sur lunechance.com. Voici une pièce de Pépé et sa guitare. À la connexion à C'est Fou 89.1 FM. Cousine Gwyn qui mange que de la poutine. Ouais, oh, moi j'ai la poutine, la place, moi je mange des bines. Ouais, oh, les Français appellent ça le cassoulet. Ouais, oh, à Strasbourg, on en mange tous les jours. Chili comme carne. Ouais, oh, et au Chili, c'est bikini farci. Ça vient du Canada. Ouais, oh, en Albanie, ils mangent pas un grain de riz. Ouais, oh, et au Nicaragua, ils mangent même pas. Pépé et sa guitare avec son succès énorme, le manche de bine, dans son album « Fait quelque chose » à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Assez fou, 89.1 FM. Maintenant, j'ai aimé la formule de tantôt, je répète ça tout de suite. Voici les sorties en magasin cette semaine. Oui. Donc, selon l'article de hardgamers.com, on sent le parfum de l'été, rien qu'en regardant les sorties de la semaine, rien de folichon à se mettre sous la main, si ce n'est que la sortie notable de Brave Story New Traveler sur PSP et, dans une moindre mesure, celle de Mario Strikers Charge sur la Wii. Voici donc les sorties. Commençons par le multiplateforme. World Championship Card sur la PlayStation 2 et la PSP. Sur DS, Spycross DS, Pet Alien, Chameleon to Die For, Drake and Josh Talent Showdown, Bratz Ponies The Game Factory, la compagnie, Spelling Challenges and More, et Glory Days 2. Sur PC, It's the Big Game, Charlie Brown, Let's Ride Friends Forever, Combat Mission Shock Force, Attack on Pearl Harbor, Ricochet Infinity, Ride Carnival Tycoon. Sur la PSP, Brave Story New Traveler, et sur la Wii, Mario Strikers Charged et Drop Off de Bandai Namco Games. Voilà qui fait le tour des jeux qui sortent cette semaine en magasin. Pourquoi pas? Dans quelques minutes, on va terminer notre série en concert. Il est vraiment temps qu'on la finisse. Je ne sais pas si on aura le temps de la finir au complet aujourd'hui. Sinon, peut-être la semaine prochaine, il nous reste 2 pièces à la collection. Mais avant, j'ai envie, comme ça avec vous, parce que je vous aime, hein, de parler un petit peu de Gadget. Voilà. Gadget à fer. Gadget au chapeau. Gadget au poing. Qui c'est? Élastique au gadget. On commence par le fabricant Mophie qui propose depuis quelque temps un produit assez insolite, le Bevy. Derrière ce nom se cache une simple coque pour protéger un baladeur de type iPod Shuffle 2e génération. Jusque-là, rien de bien original, dit l'article de Clubic.com, sauf que le Bevy permet accessoirement de décapsuler des bières. Pour transformer le Bevy en décapsuleur, il suffit d'enlever son iPod Shuffle de l'étui. Aussi, le Bevy peut être utilisé comme porte-clés. Il permet aussi d'enrouler les fils du casque de l'iPod si nécessaire, donc il y a au moins quelque chose d'utile. C'est disponible en 5 coloris et c'est vendu pour 15 US. C'est né suite à un concours de Mophie au Macworld Expo. Ça a été créé par un adolescent de 17 ans et donc qui va utiliser ça pour ouvrir des bouteilles de liqueur Kiri. Ça me surprend que ça existe encore. J'aime ça. C'est vrai. Le portefeuille Nintendo, pour garantir la vente d'un produit partout dans le monde, c'est évident, il faut avoir soit un personnage ou au moins que ça ait un lien avec Nintendo ou avec Star Wars, avec un de ces deux-là, et vous faites des millions de dollars, hein, pourquoi pas. Donc, cela étant dit, hein, portefeuille en cuir qui ressemble à une grosse manette de NES. Pas si mal du tout. Donc, portefeuille avec beaucoup, beaucoup de place pour mettre vos cartes d'identité et votre argent. Et puis, ça vient avec, regardez ça, ça vient avec un étui de métal, en fait d'aluminium, qui est en forme de cartouche de NES. C'est génial. Donc, ça vient du Wireless Catalog, ça s'appelle le Nintendo Wallet, c'est disponible pour 30$, allez voir lunechance.com pour le lien. Ensuite, un prototype qui deviendra sûrement jamais un produit, c'est le Behind the Wall Sofa, c'est un meuble à deux côtés qui est supposé ressembler, en tout cas, c'est supposé fonctionner comme une division pour une pièce, pour diviser une pièce en deux, et comme un sofa. Donc, c'est une espèce de membrane flexible qui couvre les deux côtés et qui vous fournit une place confortable pour vous asseoir. Moi, je trouve ça absolument fantastique, j'en veux deux. Donc, allez voir le Behind the Wall dessiné par Jordan Canudas qui sera probablement pas produit en masse. C'est via ogizmo.com. Ensuite, kit de survie en forme de carte de crédit. Donc, je sais pas si vous allez vraiment pouvoir survivre avec ça, mais en gros, t'as c'est ça, un ouvre-canne, voilà, un couteau, un tournevis, une règle, un ouvre-bouchon, une clé à 4 positions pour différentes bolts. Comme on l'appelle. Il y a aussi une scie sur le côté. Il y a c'est génial. Il y a même un trou pour mettre votre pour faire un porte-clé avec. En fait. Donc ça s'appelle comme ça le Critical Survival Tool. Est-ce que ça a un vrai nom? Critical Survival Tool, comment ça? Pour 4,95$ seulement chez Fishboy, tu peux le faire graver avec ton nom dessus ou ça peut servir de carte d'affaires. Absolument génial. Moi je trouve ça adorable, très très beau. Prochain, j'ai posté quelques articles là, en bref, comme ça, un adolescent canadien a inventé une motocyclette qui ressemble au Segway. Vous vous rappelez le Segway, l'appareil sur lequel tu peux te promener comme un vélo, mais debout, et ça avance tout ça. Sauf que là, c'est une motocyclette, ça s'appelle le Tango. Allez voir l'article pour en savoir plus. Le masseur USB pour les yeux. Donc, vos ports USB servent à tout. Vous avez des ventilateurs, des petites lumières, etc. Là, c'est pour vous faire des massages aux yeux, donc ça shake, ça vibre. c'est pour faire des massages. Ça vient de sundayo.com. Je sais pas le prix. C'est pas écrit dans l'article. Mais je suis sûr que ça doit pas être si cher que ça. Hein. Pas. Donc, c'est cool. Je suis pas sûr que j'utiliserai. Je sais pas si je me percerai un œil avec ça. Parce que je suis un petit peu maladroit. Mais quand même, ça vaut la peine. Horloge minimaliste numérique 0000. Hein. Donc, ce que c'est... Il n'y a plus vraiment de raison d'acheter une horloge, dit l'article. Il n'y a plus vraiment de raison d'acheter une horloge de nos jours, sauf pour le design ou la mode, d'accord? Donc, c'est pas une surprise de voir des horloges qui sont de plus en plus belles au lieu d'être fonctionnelles. Par exemple, l'horloge 000, créée par WAT des Pays-Bas. C'est une horloge numérique minimaliste parce que c'est seulement une planche, un circuit et quatre caractères sur l'affichage pour l'heure. C'est mince comme, je sais pas, ça doit mesurer peut-être 2 mm d'épais, ou 1 mm même. Très, très, très mince. Il n'y a même pas de place pour la batterie parce que la batterie est le socle. Dans le fond, quand tu branches la batterie, c'est la batterie qui fait que l'horloge tient debout. Donc, très, très génial. Ça vient de Charles & Mary pour le prix tout aussi minimaliste de 40$. Donc, c'est via ou gizmo.com encore. Tiens, un gadget pour votre site web. C'est pas un gadget en tant que tel que vous pouvez acheter, mais si... en fait, vous devriez éteindre le volume. Même, je vais enlever mon fond tout de suite pour faire entendre ce que c'est. C'est... ça s'appelle le Uniclock Interpretive Dance Clock qui vous dit l'heure via 5 secondes de musique et de danse bizarre. Donc là, on voit une danse présentement. Je vais attendre un petit peu. Dans 5 secondes, on va revenir à l'heure. C'est un petit gadget qui s'affiche sur votre blog. Là, ça dit 10h47, 43 secondes. Je sais pas pourquoi ça dit 10h47, mais enfin, 46. Et là, à partir de 46 secondes, ça fait une danse bizarre. C'est littéralement des filles qu'on voit danser dans un petit rectangle. Tu peux enlever le son, évidemment. En même temps, pourquoi le faire, tu sais? Alors que tu peux avoir ça. C'est bon. Donc, c'est une horloge à mettre sur votre blog, sur votre site web. Et ça compte les secondes. Et à chaque intervalle de 6, 7, 8, 9 et 10, t'as une danse. Et à chaque fin de la minute, t'as une danse encore plus géniale. Voilà. C'est à peu près ce que ça veut dire. C'est le Uniclock. Ensuite, vous avez un coloc, hein? Mise en scène, vous avez un coloc. Vous aimez faire des choses, des fois dans votre chambre, sans vous faire voir par votre coloc. Ça arrive, hein? Vous pouvez mettre une cravate ou quelque chose sur votre poignet. Pourquoi pas acheter la Doorknob Condition par le designer Arnaud Lapierre. ou Arnaud Lapierre. Pour ne pas être interrompu, ce que ça fait, c'est que la poignée de la porte elle-même entre dans la porte elle-même. Hein? C'est génial. Donc, tu ne peux pas la prendre, tu ne peux pas la tourner. Hein? Donc, en théorie... Ça pourrait aussi fonctionner dans un hôtel, par exemple, où tu ne voudrais pas être dérangé le matin. Hein? Donc, ça s'appelle The Doorknob Condition via le site électroplancton au tranism.com. Allez voir le unechance.com pour le lien. Ensuite, rapidement, j'ai posté un lien pour le kit de remplacement de la batterie de l'iPhone. J'en avais parlé un petit peu tantôt dans le fil technologique. L'article est sur le site. Il y a un T-shirt qui n'est pas magique du tout, qui révèle la fin de Harry Potter. Donc, sur Internet, oui, allez acheter le Extreme Harry Potter Spoiler Reveal au T-shirt. Donc, question de vous faire peut-être gifler ou frapper en pleine rue. Vous pouvez même voir des photos du T-shirt avec le texte dessus. Si vous avez déjà lu le livre, vous pouvez y aller, sinon n'y allez pas, s'il vous plaît. Donc, ça coûte seulement 15 livres ou au-dessus de $30 américains si vous allez sur le site Harry Potter Enlightenment Project au Harry Potter Public Enlightenment Project.com ou passer par lunechance.com. Ça c'est vraiment drôle, c'est un article que je vais traduire instantanément. On dit que un duo de la misère avec le premier mot, tu sais. Un duo de recherchistes à l'université de Cincinnati ont construit un programme d'ordinateur qui est capable de comprendre un type de blague en particulier, un jeu de mots par exemple. Donc en chargeant une base de données de mots et ensuite en utilisant de la programmation relationnelle pour détecter si un jeu de mots a été dit, le robot peut répondre en criant ou en riant, voilà, en faisant peur donc à tout le monde autour de lui. L'inventeur admet que la créature rate encore quelques punchlines, mais peut détecter quand même beaucoup de styles d'humour. Les avancements futurs pourraient ajouter une vie sérieuse à ces robots d'hôpitaux qui sont plutôt drabes, voilà. Voilà. Il va pouvoir vous tenir compagnie et rire de vos blagues. J'adore ça. Voilà qui termine la section Go Gadget pour cette semaine, oui, dis-je. Plus tard, on va parler entre autres de quelques petits logiciels. Je crois qu'on va faire le tour rapidement de quelques petites affaires sur le net. Quelques petits téléchargements aussi. Voilà, c'est ça. Est-ce que je viens de dire ça? C'est pas grave. On s'en va à la série en concert. Il nous reste 10 minutes à peine à l'émission. On va avoir le temps seulement pour une pièce. Malheureusement, c'est triste. On va devoir se terminer ça la semaine prochaine. Parce qu'on est en plein cœur, pour ceux qui ne savent pas, de la série en concert depuis plusieurs mois déjà. D'une série, en fait, qui comporte 22 pièces. C'est Doom, The Dark Side of Phobos. C'est la musique du jeu Doom, reprise par des gens comme vous et moi. Donc, qui refont la musique, qui se l'approprient, qui essaient de faire une belle collection. C'est en deux parties. Vous pouvez télécharger les deux CD en MP3 ou en format FLAC. Et télécharger aussi les pochettes de tout ça pour faire votre propre collection de Doom, de Dark Side of Phobos. On écoute tout de suite, à l'instant même, la pièce numéro 21. C'est Elsa Pearson avec Larsec. La pièce s'appelle Darkness Dawning. Et on revient avec le pow final à la connexion à CFU 89.1. Evil knows and evil judges, brings to bloom the darkest flower. This will be the darkest hour. From the dust and soil awaken, spirits lost and souls forsaken. They will rise from over yonder, they will fly and they will wander. His places, but have no fear, I've come to save you. Trust in me, that's all you can do. I lay to rest your fear and worry. La partie numéro 21 de la série Doom, The Dark Side of Phobos, à la collection ACFU 89.fm. C'est Elsa Pearson avec Larsec. La pièce s'appelle Darkness Dawning. Si vous voulez plus d'informations et télécharger la collection au complet et les pochettes pour faire votre propre CD, allez voir le doom.ocremix.org. C'est la musique de notre ami Robert Prince, remixé par des gens de la communauté qui font du beau travail comme ça. La semaine prochaine, on entendra la dernière partie par Theo. C'est la pièce Electrocute Bunny, The End. Voilà. Maintenant, continuons avec le Blitz, le POW, qu'on appelle le POW, parce qu'on ne sait jamais ce qui sort du POW, hein, vous le savez. Donc, regardons quelques affaires rapides pour terminer l'émission comme ça. Le top 10, au moins le top 3 des pages les plus consultées sur le site de trichegamefacts.com. En troisième, Pokémon Pearl sur le DS. En deuxième, Final Fantasy XII sur la PS2. Et en première, c'est Pokémon Diamond sur la DS aussi. Les logiciels les plus téléchargés selon 01men.com. En troisième, c'est Avast, édition familiale. En deuxième, Windows Live Messenger. Et en première, c'est Emule, version 0.48a. Truc bonus cette semaine. Si vous aimez ouvrir la fenêtre gestionnaire de tâches, cliquez droit, bon, premièrement sur la barre des tâches en bas de votre écran de Windows. Cliquez sur le gestionnaire des tâches. Vous pouvez la laisser ouverte sur votre bureau en tout temps. Si vous double-cliquez dans le contour de la fenêtre, ce qui fait disparaître la barre de titre. Je savais pas, j'avais jamais vu ça. C'est tellement simple. Double clic, clac, clac. Et vous pouvez la laisser là, c'est super mignon. Enfin bon, donc un petit truc bonus comme ça, c'est très très simple. Cracked.com nous offre les 8 communautés les plus étranges sur le web. Je vais y aller, avec la position numéro 8. Le forum des marcheurs de glace des États-Unis. C'est vrai, le club des marcheurs de glace, je pense. Voilà. En septième, le forum des hommes à cheveux longs. Hein? En sixième, le forum des images au hasard. Donc, c'est des images complètement au hasard. En cinquième, Second Life en général, c'est très très bizarre pour eux. La prochaine page, si elle peut se charger, des 8 communautés les plus étranges sur le web, on peut trouver, tu sais, en première, Boy Tours. Qu'est-ce que c'est? Il trouve que ce forum-là, ou ce site-là, la communauté dit qu'il y a quelque chose de presque primal et sauvage et d'attirant chez un homme avec 4 jambes. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent 4 jambes à des hommes. Donc, il y a des Photoshop. C'est pourquoi? Je sais pas. Il y a des fantasmes comme ça. En deuxième position, tiens, j'ai sauté par-dessus / fanfiction. Qu'est-ce que c'est? C'est un forum de pornographie hardcore, je crois. Voilà. Enfin bon. Allez voir l'article de crack.com pour voir les communautés les plus étranges sur le web. J'ai posté une image. C'était la semaine dernière, c'était le 6 admin D, le jour des administrateurs système. J'ai posté une photo sur le unechance.com d'un endroit où il y a plusieurs serveurs, plusieurs machines. Il y a une paragraphe qui dit ne touchez pas au fil. Il y a des millions et des millions de fils. C'est très très beau à voir. Les captchas les plus bizarres sur le web. Vous savez, les captchas, c'est quand vous allez sur un forum ou un site et on vous demande de taper des lettres qui sont écrites dans une boîte. On trouve, par exemple, sur ce site, « Shot Juice » tiré sur les Juifs. Il y a « Fuck Off ». Il y a du braille. « No Dick ». Un dessin qui ne veut absolument rien dire. Un paquet de lettres où tu ne sais pas lesquelles que tu dois taper, lesquelles que tu ne dois pas taper. Il y a aussi... Qu'est-ce que c'est? Il y a un paquet de choses bizarres. Une formule mathématique. Je sais pas s'il y en a qui sont sûrement des blagues là-dedans, mais quand même, j'ai trouvé ça quand même assez drôle. C'est English Edware Blog, dit Craziest Captures on the Web. Une caméra numérique qui prend des photos. Un t-shirt que tu peux seulement voir l'image avec un appareil photo numérique, sinon tu peux pas le voir. Le lolcat de la mort, vous avez sûrement entendu parler du chat dans le New England Journal of Medicine et l'Associated Press qui parle d'un chat qui va voir dans un hôpital, je crois, qui va voir les gens qui vont mourir bientôt. Donc, apparemment, ce chat-là peut sentir quand la personne va mourir et se retrouve près de cette personne-là. Donc, il y a des gens qui ont évidemment pris ça à la blague. Ils appellent ça le lolcat of death. Ils ont pris des photos du chat, de chat en général. Je sais même pas si c'est le vrai chat. Et les lolcats, c'est des photos de chats avec des textes bizarres. Ils font comme si le chat parlait. C'est la grosse mode sur Internet présentement. Donc, voilà, si vous voulez aller voir ces photos-là, je trouve ça drôle. Morbide un peu aussi. Il y a un site, thespicegirls.com. Il y a des fans sur Internet qui demandent, qui vous demandent d'aller voter pour Bagdad en Irak, parce qu'apparemment, sur le site des Spice Girls, tu peux voter pour quelle ville, dans quelle ville les Spice Girls vont jouer. La mode présentement, c'est d'aller choisir Bagdad, Irak. Assurez-vous d'écrire Bagdad avec un B majuscule, d'écrire un courriel fictif, parce que vous n'avez pas besoin de confirmer, mais allez voir l'article pour connaître les instructions, pour aller voter pour que les Spice Girls aillent jouer à Bagdad. C'est la grosse mode en ce moment. Et il y a un article, finalement, que j'ai posté qui dit que plus tu es intelligent, moins tu as de chances de faire des choses au lit. Hein? C'est ça. Donc, si vous voulez vous renseigner sur ce que c'est, apparemment que c'est très, très sérieux, allez voir le unechance.com. C'est dans la section autour du net 2. Ça fait le tour du PAO, c'est-à-dire toutes les choses que je n'ai pas pu dire au complet cette semaine à la connexion. Et c'est d'ailleurs la fin de l'émission. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine en direct, les jeudis à midi, en rediffusion les samedis et mardis à midi. Je vous retrouve aussi à la chance au coureur et dans les palmarès, c'est fou, de la part de toute l'équipe fictive de la connexion. Faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance! dash.com